MSP, cousin. Y'a pas d'égalité si t'as le billet, t'es sur un piédestal. T'essaies de te motiver, même qualifié, ils te font taffer des stages. J'essaye de rester calme quand je vois des stars parler de la crise. Mais survivre, c'est pas du cadeau quand tout un peuple doit se partager la cerise. J'aime pas les politiques, j'serai jamais un cœur mouton. Car au final, le peuple n'est que le gang-pain de tous ces vieux croutons. Depuis, tout gosse, on perd nos rêves, donc à coup sur sa calme. Car comme Jésus, c'est depuis notre naissance qu'on est tous sur la paille. Donc on avance de nous-mêmes sans nos rêves, nos vies. En témoigne ma ville, une prison étroite, je vaclorise. Loin chez nous y'a pas d'avenir. Depuis tout gosse on squattait déjà le poste. On nous suit à la trace comme de la rue. Au cœur de désintox y'a pas de légende. C'est bien sûr les plus faibles que les condés s'acharnent. Faut aplatir ces putes comme les chapeaux des diplômés d'Harvard. Pour savoir que c'est la merde, j'ai pas eu besoin d'avoir le fer d'un clébard. Car des clébards se ferment, on serre les coudes juste pour serrer des clés d'échelle. Social certains retombent pendant que d'autres la crament. Chez nous c'est les cartons, mais on s'en fout, y'a que pour vous que ça craint. J'ai peut-être pas tes liasses, ton appart ni tes grands airs. Mais au moins j'ai la preuve, ou même pour mes valeurs, pas pour ma carte bancaire. L'échelle social certains retombent pendant que d'autres la crament. Chez nous c'est les cartons, mais on s'en fout, y'a que pour vous ça craint. Quand tu croises un charcot, ça très bien mal lui balancer 10 cents. Donc viens pas par chez moi, sauf si t'es prêt à composer. En haut de l'échelle, des tas de lopettes ramène leur coke par tractopelle. S'te plaît, parle pas trop près si ta bouche s'en espère. Comme quand un travelopette, allez casse-toi, petit bourgeois qui nous catalogue, wesh, wesh. Car par chez moi, tout ce qui peut faire bobo, c'est juste une belle pêche. Retourne voir ta famille en or ici. On s'en fout de vos règles, la parole est une chez vous. Les seuls attaches trouvent sur des boucles d'oreilles. Dans ce monde, t'étouffe, faire qu'un gosse asthmatique. Y'a des parents fumeurs, ça sent la dictature. Pire qu'un Allemand qui partrait en fureur. On fait nos bagages, faut qu'on taille ici. Je n'ai pas des liquides que des tas de litiges, que des tas de vestiges dans le monde du bus. On est marre de voir que des cartes, des kisses que mes gardes décrivent. Une ville où les minorités aboient presque 20 piges que la route, c'est comme la politique. Priorité à droite, on ferme les portes pour ça. J'ai plus cette grosse rancune vocale. Le riche, le pauvre, c'est comme une fable de La Fontaine où y a aucune morale. Rien qu'avec ces deux cesses, t'es foutu le bite entre deux fesses. Car par chez nous, que ça soit l'appart ou compte en banque, on se contente de deux pièces. Social, certains retombent pendant que d'autres la crament. Chez nous, c'est les cartons, mais on s'en fout, y'a que pour vous ça craint. J'ai peut-être pas tes liasses, ton appart ni tes grands airs. Mais au moins, j'ai la preuve, quand même pour mes valeurs, pas pour ma carte bancaire. L'échelle social, certains retombent pendant que d'autres la crament. Chez nous, c'est les cartons, mais on s'en fout, y'a que pour vous ça craint. Quand tu croises un char clos, ça très bien mal lui balancer 10 cents. Donc viens pas par chez moi, sauf si t'es prêt à composer le 17. Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.